Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz. Bonsoir, ça c'est pour le direct à partir de 21h30 et des poussières sur antenne du 94 MHz. C'est le bonjour, si vous nous écoutez à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Et on attaque avec quelques accords suaves ou soaves avec le label italien qu'on vous a déjà proposé il y a de ça quelques semaines avec ce nouvel opus de Heroine in Tahiti, Remoria, qui était sorti en ce mois de mai 2017. Et le label Suave est très très actif puisqu'ils font paraître à peu près 2 disques par mois ces temps-ci, avec notamment également un disque assez intéressant sous le nom de Golden Cup Futura, qui est écoutable d'ailleurs sur le Bandcamp comme la plupart de leurs productions, de même que le nouveau Roberto Mussi, qui en fait est une réédition d'un vieux disque de ce chantre des musiques nouvelles et ethniques un peu expérimentales. Mais là, je vous propose d'attaquer avec Squadra Omega, collectif italien plutôt psyché rock, et son nouvel opus qui répond au nom de Materia Oscura. Squadra Omega qu'on a rencontré depuis une petite dizaine d'années, notamment par des disques aux éditions Holidays Records. Ils avaient tourné l'année dernière en compagnie du collectif Free Turk Construct en Europe. Donc un collectif plutôt psyché avant kraut, mais aussi qu'on retrouve sur un peu tout ce qui bouge dans les labels des nouvelles musiques qui font peur italiennes. On écoute un extrait de ce Squadra Omega, ce nouvel opus Materia Oscura et ce disque aux éditions Suave. Le titre, je crois que j'ai sélectionné le titre qui démarre cet album. Voilà le morceau qui s'intitule Massa Mancante par Squadra Omega. Thank you. Vous êtes bien dans les élus plus sûrs, l'émission qui ne vous passe pas du Mozart pour éloigner les punks. On a démarré avec Squadra Omega et un extrait de ce Materia Oscura qui est publié par l'excellent label Soave, qui est une subdivision de Cinedelic Records dans sa série Grando Golo, qui commence à s'étoffer quelque peu avec pas mal de choses très très sympathiques qui viennent de paraître sur cette subdivision du label donc Cinedelic versus Soave, notamment donc le Roberto Mussi, le nouvel opus, le double LP qu'on vous proposera certainement dans une autre émission, qui est son disque qu'il avait sorti au milieu des années 80, de 83 d'ailleurs, qui n'avait pas été réédité jusqu'ici. Et donc Squadra Omega dans une séquence très groove, très clavier, chose qu'ils aiment beaucoup, des débauches de sonorités un peu claviéristique, on pourrait dire, pour ces Italiens, donc ce collectif qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui s'inspire tout autant du Grateful Dead que de Coltrane ou encore de musique psychédélique, par exemple, aussi tournée du côté de l'Orient ou de l'Afrique. Ils sont assez coutumiers des jams assez étonnantes au clair de lune. Il y a pas mal de vidéos assez amusantes de Squadra Omega, et puis donc une petite série de disques à ce jour à l'image de ce nouvel album qui sort dans les prochains jours sur Soave Materia Oscura. Et on a enchaîné avec une compilation, un florilège devrais-je dire, de musique catalane, mais pas que, de musique de Barcelone et d'ailleurs du début des années 80, un sampleur qui répondait au nom de Domestic Sampler UMYU U, du label d'ailleurs du même nom qu'il avait publié en 1982. Et ça vient tout juste d'être réédité par une autre excellente marque de disques, cette fois-ci Batave, qui répond au nom de Discos Transgénéro, qui est toute jeune. Je crois qu'il y a à peu près deux disques à ce jour, l'autre étant une compilation de titres de musique expérimentale des Pays-Bas des années fin 70, début des années 80. Donc une collection qui est plutôt centrée sur les musiques excentriques expérimentales, à l'image donc de cette compilation qui avait été produite en son temps par l'excellent Victor Nubla, qui est un activiste, un vieil activiste des scènes de Barcelone, qui avait démarré au milieu des années 70 et qui avait côtoyé à peu près tout ce qui pouvait bouger dans le domaine des musiques nouvelles à la fin des années 70, début des années 80. On l'avait retrouvé notamment aux côtés de Pascal Comelade dans ses premiers projets. Il avait fait partie de Macro Massa et à l'époque donc il s'occupait de cette petite collection UMYU sur laquelle il produisait des choses assez incroyables, notamment des projets dans lesquels il officiait, je pense notamment à Error Genetico, El Grido Ascusador ou encore Cerreto Metropolitano. Voilà pour ces différents groupes, et puis pas mal d'autres gens aussi à ses côtés, notamment l'incroyable Bing Selfish, qui se retrouvait aussi sur cette compilation, lui qui a aussi beaucoup fréquenté les scènes de Barcelone, de même que l'Angleterre. Et quant aux représentants de la Perfide Albion, pour cette compilation Domestic Sampler, il s'agissait notamment de Milk from Cheltenham et autres projets de Monsieur Amos, membre échappé des Homosexuals. Donc autant dire vraiment une compilation très très indispensable pour ceux qui s'intéressent aux musiques de traverse de cette époque. Le son n'a pas vieilli d'un poil, je trouve, surtout parce que les sons étaient pitchés de manière assez fantabulesque. On va pouvoir s'en rendre compte avec un nouvel extrait, et cette fois-ci le Grido Acusador et le morceau Somos Punks. Yeah. faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du brouillard comme ça sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr. Une petite triplette de disques enchaînés, histoire de bien brouiller les cartes, avec tout d'abord un second extrait de cette excellente compilation Domestic Sampler UMYU, publiée par Discos Transgenero en vinyle ce printemps, qui est une réédition donc d'une anthologie de 1982 rééditée in extenso et à l'identique s'il vous plaît, avec un bon panel de musique déviante de cette époque du début des années 80 du côté de Barcelone et d'autres musiciens européens, notamment des Anglais, qui étaient enchaînés avec une musique quasi de la même génération et le disque de Sibe, S-I-B-E, qui s'intitule Tropische Verlangen, publié par une nouvelle entité qui suit différents projets collectifs du label Strom. Voilà donc avec cette compilation de titres un peu tropicaux, d'inspiration mi-balinaise, mi-indienne, revisité par le prisme de l'électronique vintage de cette époque par monsieur Siebe Barda. Alors je crois que c'est un Hollandais qui voyageait beaucoup en fait dans le monde entier et qui produisait cette musique un peu d'inspiration Ryuichi Sakamoto de cette époque et qui sonne aussi pas mal à l'instar de ce qu'on peut entendre de nos jours. Ça faisait penser je sais pas à quantité de choses même du côté de Coil par exemple et autres K. Leimer pour les ambiances électro-matinées de choses un petit peu futuristes et ethniques bizarres. Et donc une compilation de titres, comme je vous disais, qui je crois est une réunion de plusieurs cassettes qu'avait sorti ce monsieur à cette époque. Il avait sorti trois cassettes entre 1981 et 85 qui viennent d'être rééditées donc sous ce titre Tropische Verlangen par cette marque belge Strom Records. C'est vraiment très très bon. Là, je vous ai passé le morceau qui sonnait balinais, peut-être un peu kitschouille sur les bords, mais il y a des choses vraiment très très incroyables, notamment dans le traitement sonore pour ce disque de Sibe. Et on a terminé avec une artiste, alors je suppose que c'est une femme, la mystérieuse Roé Enei, et ce disque Glen, publié par la marque de Jeffrey Cantu Ledesma Root Strata. Alors c'est quelqu'un d'assez énigmatique, Roé Enei, en deux mots, qui avait sorti une unique cassette à ce jour, mais qui était une cassette d'ailleurs qui avait été produite par monsieur Pete Swanson, l'ex Yellow Swans, et elle vient donc de sortir ce premier album long sous le nom de Claire. C'est plutôt pas mal, c'est assez connoté années 80 avec le côté new wave, cold wave. On pense beaucoup à des ambiances un peu à la Post-Cocteau Twins, des choses comme ça, mais c'est plutôt assez intéressant dans le traitement sonore et dans la manière dont elle revisite ces différentes choses. Il y a des morceaux un peu moins chantés, un petit peu plus d'expérimentation sonore pour cette jeune femme, enfin si on en croit les photos qu'on peut trouver sur internet qui sont un peu vintage noir et blanc avec lunettes d'aviateur ou d'aviatrice s'il vous plaît. Voilà pour Roé Enei. On va continuer avec un duo qu'on a rencontré à plusieurs reprises ces dernières années. Il s'agit de Billows, le duo électro-sonique constitué par Giuseppe Yelasi et son camarade de jeu Nicolas Ratti. Alors c'est un vieux projet, il y a une petite palanquée d'albums qui sont sortis depuis le milieu des années 2000. On avait eu l'occasion d'ailleurs de vous en passer, je pense, à plusieurs reprises dans l'Asile le plus sûr. On avait écouté écouté à peu près toute leur production. Et ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de disque de Billows. Et comme un fait exprès pour se rattraper, ces deux-là viennent de sortir ou vont sortir, puisque celui qu'on va écouter tout de suite sort cette semaine très exactement. 2 opus coup sur coup, un maxi 45 tours sous le nom de Sander aux éditions Latency, le label hexagonal, et l'autre label qui publie les frasques sonores de Billows est également hexagonal et d'ailleurs un peu brétidien. Il s'agit de Shelter Press, le label de l'excellent Bartholomé Sanson en compagnie de Felicia Atkinson, qui sort ce disque Strand qui est vraiment très très bon, bien meilleur d'ailleurs je trouve que le petit 45 tours maxi Sander, et également bien meilleur aussi je trouve que le nouveau Inventing Masks, l'autre projet de Giuseppe Ielasi qui sort ces jours-ci aussi un disque sous le nom de Second tout bonnement. Et donc si vous avez vraiment un disque à acquérir de Giuseppe Ielasi et Nicolas Ratti en ce moment, c'est ce Strand aux éditions Shelter Press, et un bonheur n'arrivant jamais seul. Les disques Shelter Press sont disponibles à Rennes, par exemple à la boutique Blind Spot rue Poulain du Parc. On écoute un extrait de ce nouveau Billows, le titre Untitled, tout bonnement Number 4. Thank you. Nouvelle série de trois disques enchaînés dans la blessure pour jouir sans entrave. On a démarré avec Billows, le projet entre Nicolas Ratti et Giuseppe Ielasi qui est de retour en cet été. Voilà, pour cette chaleur caniculaire, vous pourrez écouter deux disques de Billows pour le prix d'un ou quasi, un maxi aux éditions Latency et ce nouvel LP qui répond au nom de Strand aux éditions Shelter Press, un très beau vinyle comme souvent publié par monsieur Bartholomé Sanson, qui était enchaîné avec un autre duo qui sonnait presque comme cette partie de ping-pong cubiste entre Nicolas Ratti et Giuseppe Ielasi, mais cette fois plutôt piano préparé et différent. Différentes lutheries électroniques par Ikue Mori, la percussionniste et électro-acousticienne bien connue new-yorkaise qui fut membre de la No Wave new-yorkaise à l'époque de la fin des années 70, début des années 80 dans le projet DNA aux côtés de Arto Lindsay, Robin Crutchfield ou encore Tim Wright, et puis depuis pas mal d'années dans quantité de groupes tout aussi hilarants les uns que les autres dans le domaine de l'expérimentation sonore, notamment ces dernières années aux côtés par exemple de Miss Zina Parkins dans Phantom Orcade en version duo ou en version grand orchestre. Et là donc c'est cette fois-ci aux côtés d'un pianiste qu'on vous propose pas très très régulièrement dans l'Asile le plus sûr. Il s'agit de Craig Taborn, qui lui aussi est un peu un vétéran de la scène new-yorkaise. On le connaît depuis une bonne vingtaine d'années pour quantité de projets, principalement aux côtés d'à peu près tout ce qui bouge dans le jazz contemporain. Je pense notamment à Roscoe Mitchell, Suzy Barra, Rob Brown, James Carter aussi, Nicole Mitchell et Hugh Ragin, etc., etc. Donc à peu près tout le jazz contemporain américain s'est frotté au jeu de piano de Craig Taborn, qui joue aussi d'ailleurs du Moog et de l'orgue. Alors on ne bosse pas très très régulièrement ces disques en solo, on préfère en général l'écouter en compagnie de différents acolytes, et ce duo en compagnie de Ikue Mori sous le nom de I. Smith est vraiment brillantissime. Il est publié par le label de John Zorn Tzadik dans cette Spectrum Series qui est une d'ailleurs sur laquelle il y a eu aussi un disque de Phantom Orcard, et puis pas mal de musiciens comme toujours américains et la plupart du temps new-yorkais, qu'il s'agisse de Larry Hoche quand vous passez la semaine dernière ou encore de Ciro Battista. Et donc très très beau disque pour cette rencontre très récente. Je crois qu'ils n'avaient pas joué ensemble avant ces derniers mois ou année, donc ils ont réparé cette injustice avec cet excellent projet en duo Miss Ikue Mori et Craig Taborn. On a terminé la séquence avec un musicien qui est pas du tout dans la sphère habituelle de l'Asile le plus sûr. Il s'agit de The Harvest Man, qui est l'un des projets solo de Steve Van Til, guitariste et chanteur du combo californien Neurosis. Alors je vous dis qu'on ne vous passe pas très très régulièrement ce genre d'Olubrius. C'est vrai que je ne suis pas un coutumier de la musique de Neurosis. Apparemment donc ce monsieur a rejoint cette formation à la fin des années 80, et ça donne une furieuse envie d'ailleurs d'écouter leur musique à l'écoute de son projet avec lequel il a déjà enregistré plusieurs disques, Harvest Man. Celui-ci s'intitule Music for Megalith, qui est un titre très très approprié vu le physique assez imposant du monsieur, et c'est sorti comme de juste par le label qui publie les frasques de Neurosist, Neurote Records ou Tribes of Neurote, ce genre de choses. Voilà pour Harvest Man, Music for Megalith, musique qui faisait pas mal penser à celle que pouvait pratiquer Coil dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, avec ce côté un peu dronesque, avec sur fond de bignouserie un peu post-industrielle. Donc une musique vraiment très très bonne, disque qui m'a assez bluffé, Harvest Man, Music for Megalis. On va continuer avec deux formations qu'on a vues sur scène et qu'on n'avait pas vues réunies ensemble. Il s'agit de Sly and the Family Drone, le collectif plutôt hippie noise britannique, qui est en compagnie des Dead Neanderthals, les Hollandais. On a vu les deux séparément. Peut-être avez-vous eu la chance d'apercevoir Sly and the Family Drone, par exemple, au festival de Monsieur Will Guthrie Cable à Nantes, ou encore à Rennes, où ils avaient joué, c'était au Terminus, bien évidemment. Et Sly and the Family Drone avait eu également l'occasion de produire un split en compagnie des Dead Neanderthals. C'était sorti l'année dernière sur God Unknown Records. Et cette fois-ci, les deux formations sont réunies sur une même scène, on pourrait dire, en tout cas sur un même enregistrement qui est vraiment dantesque. Ça s'intitule le Molar Ranch et c'est sorti par Hominid Sounds fin mai. Je propose d'écouter un extrait de la suite, le début de la phase B, et c'est la partie numéro 2 de Muckman, donc le Muckman Part 2 par Sly and the Family Drone et les Dead Neanderthals. Thank you. séquence de pure trance n'est-il pas qui a démarré avec Sly and the Family Drone, le collectif britannique du Hampshire, en compagnie du trio Denis Meg et aussi un peu d'Angleterre, Dead Neanderthals, qu'on avait pu voir d'ailleurs chez nos amis de la Maison de la Grève dans une soirée assez mémorable en compagnie des Cactus Truck. Et les Dead Neanderthals, c'est un duo de saxophonistes principalement baritoniste et également un batteur, René Aquarius. Il y a trois batteurs d'ailleurs sur cette rencontre entre Sly and the Family Drone et les Dead Neanderthals, représentés par Colin Webster et Otto Koke comme de juste. L'album s'intitule Molar Ranch et s'est enregistré de manière assez brute, sorte de free jazz très très punk, très très grind, comme peuvent le produire ces deux formations. Excellent vinyle aux éditions Hominid Sounds, certainement l'un des disques de free jazz les plus incandescents que j'ai entendu ces dernières semaines. Et on a enchaîné avec la musique qui n'avait rien à voir avec ces ouaves-là de Kiyoka Kondo de son vrai nom, musicienne électroacousticienne nippone bien évidemment, représentée par les éditions Raster Noton. Elle avait sorti un disque il y a de ça quelques années sous le nom de Is Super Powered, et elle avait fait partie aussi ou collaboré notamment aux côtés des gens de Raster Noton, notamment Bytone et autres projets d'Alvanoto. Et ça figure sur une compilation qui répond au nom de Archive 4, donc pas mal de un florilège en fait de titres inédits, principalement des lives, des morceaux qui n'avaient pas donné lieu à des disques sur les éditions Raster Noton, notamment de Candy Gray, Antiset, Noto lui-même, Anne-James Chaton également pour un inédit, Frank Brandschneider, Senkin, Bytone, Robert Lipok, etc. etc. Et cette anthologie était accompagnée d'ailleurs par un livre de visuels, en fait, des pochettes de Raster Noton, très très beau livre et très belle compilation pour fêter un peu les 20 ans de ce projet et ce collectif Raster Noton qui vient tout juste de s'effriter. Olaf Bender et Noto Karlsten Nikolai ont décidé de se scinder en deux entités, Raster Media pour Olaf Bender et Noton pour Karlsten Nikolai. Donc on va faire un peu cavalier seul, mais avec des productions toujours un peu dans le même registre, des installations sonores, des festivals et différentes choses. Donc Raster sans Noton ou Noton défalqué de Raster qui continuent leur petit bonhomme de chemin. On va continuer avec une formation qu'on vous a proposée elle aussi à plusieurs reprises et qui est de retour également en cet été 2017. Il s'agit de Lean Left, le duo des guitaristes de ZX, Terry SL alias Terry X et Andy Moore alias lui-même, en compagnie de la paire, le saxophoniste Ken Vandermark et le batteur Paul Nissenlove. Ceux-là aussi, on avait eu la chance de les entendre sur scène il y a de ça quelques années. Ils sont de retour avec un disque aux éditions viennoises Trust Records. Ça s'appelle I Forgot to Breathe et effectivement, c'est très très bien nommé. Morceau qui ne se termine jamais, de Lynn Left sur ce nouveau disque I Forgot to Breathe, avec pas mal de fulgurance et de stridence, comme toujours pour ces quatre musiciens de guitare, les deux guitaristes de ZX et Ken Vandermark, avec ses différents couinements saxophonistiques, et Paul Nissen Love qui racle ses balais sur ses peaux acérées. Voilà donc pour Lean Left et l'émission L'Asile de cette semaine. Je vous rappelle que ce programme est réécoutable avec un certain nombre de semaines de retard, il est vrai, à partir du blog asile35.blogspot.fr. Je vous rappelle aussi que vous pouvez par exemple aller ces jours-ci à la chapelle, au bout de la rue Alphonse Guérin, à Rennes, pour soutenir les cinq camarades rennais en prison. Emprisonnés en attente de leur procès, emprisonnés suite à la manifestation ni Le Pen ni Macron du 27 avril 2017, de manière particulièrement injuste. Si vous intéressez au climat social du moment et que vous voulez lutter contre la criminalisation du mouvement social, je vous invite à soutenir les cinq camarades rennais emprisonnés en allant par exemple aux différentes AG soit à la Maison de la Grève, soit à la chapelle au bout de la rue Alphonse Guérin, ou également en lisant le journal lundi matin sur Internet pour être informé de tout ce qui se passe dans l'Hexagone. Et ça sent pas forcément toujours très bon. On va se quitter avant de laisser la place à nos camarades pour leur Highway to Zion avec un projet norvégien, un duo de cordes une fois n'est pas coutume, qui s'appelle Vilde and Inga, du nom de ces deux musiciennes, Vilde Sandve Alnoes au violon et la contrebassiste Inga Margarete Haas, qui avait déjà sorti des disques, je crois, aux éditions ECM, et cette fois-ci qui se retrouve sur l'excellent label du percussionniste norvégien Ingar Sash, qui a produit ce nouveau disque de ses compatriotes. Celui-ci s'intitule Sylfr et il est vraiment très très bon, et ce sera une excellente conclusion à l'émission de cette semaine. En attendant de se retrouver lundi de la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine donc. Thank you. Thank you. Oh.